Alors, lit le dimanche, les parents mènent leurs enfants vers les abus en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire, il a lu de et revoir longtemps le sens fixe, le décor planté au bout de la journée. Tensions atones, toile de fond, zone terminale, trouver le temps long, tension d'attente, faisons tourner les tables, tempête de sable, danses orientales, tension d'état, atlas intervista, opération désastre, pressions occipitales. Des axes, des axes, des axes, des axes, des axes. Des axes, des axes, des axes, des axes, des axes. Tensions atomes, toile de fond, zone terminale, trouver le temps long. Trouver le temps long. Trouver le temps long. Trouver le temps long. Trouver le temps long. Des axes, des axes, des axes, des axes, des axes. Des axes, des axes, des axes, des axes, des axes. Des axes, des axes, des axes, des axes, des axes. Des axes, des axes, des axes, des axes, des axes. Cette fois, il est sûr de la reconnaître. C'est d'ailleurs la seule chose dont il est sûr dans ce monde sans date qui le bouleverse d'abord par sa